16 août dernier, la célèbre et influente revue Nature titrait « The Spectre of Smallpox Lingers », le spectre de la variole persiste ou se maintient. Et pourtant, la dernière personne à mourir du virus à l'origine de la petite vérole est morte il y a 40 ans, le 11 août 1978. La variole est brandie comme le succès incontestable de la vaccination qui a permis pour la première et unique fois de l'histoire de l'humanité d'éradiquer totalement une maladie. Alors pourquoi ce spectre continue-t-il d'inquiéter alors qu'il ne reste officiellement plus que 2 laboratoires au monde à posséder des souches de virus variolique ? La variole éradiquée, oui, mais c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter l'histoire de cette maladie et comment elle a fait basculer la médecine dans l'ère de la modernité d'une certaine façon, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Marie Moulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste des maladies tropicales et directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire Sphère pour sciences, philosophie et histoire. Et Patrick Zilberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités et historien de la santé. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en podcast, en différé via le site franceculture.fr ou votre application de podcast favorite et évidemment comme toujours en parallèle sur notre fil Twitter @lamethodefc où nous allons poster comme chaque jour un certain nombre d'études, de graphiques, d'images pour illustrer et compléter les propos qui vont se tenir à ce micro. Ceci étant dit, l'histoire de la variole est indissociable, je le disais à l'instant, de l'histoire de la vaccination, étymologiquement, même puisque c'est à partir de la vaccine, la forme de la variole chez la vache, qu'ont été créés les premiers vaccins. Écoutez donc cet archive de 1952, époque où la variole, même si elle commençait à être contenue, était encore un problème majeur de santé publique. La variole était, il y a 100 ans, un épouvantable fléau qui tuait environ 10% des populations. La vaccination antivariolique, ou vaccination générienne, en a fait une maladie désormais plus que rare. Il n'en reste pas moins vrai que sa gravité n'en a pas pour autant diminué et que les autorités ont raison de tout mettre en œuvre pour circonscrire ses ravages. Peut-être serez-vous étonné d'apprendre que pendant la guerre de 1870-1871, sur les 600 000 hommes mobilisés, 115 000 contractèrent la variole et 24 000 en moururent. En 1902, un décret rendit la vaccination obligatoire et le résultat fut probant qu'on en juge. Sur les 8 millions d'hommes mobilisés entre 1914 et 1918, on n'enregistre que 56 cas de variole et 4 décès seulement. Voilà cette archive donc de la radiodiffusion française de 1952. Peut-être une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Non, mais on oublie que la variole était encore un fléau, même s'il avait déjà beaucoup diminué à cette époque, un fléau encore quotidien au milieu du XXe siècle, il y a moins de 100 ans. On oublie aussi que c'était non seulement c'était une maladie très grave, mais ça défigurait souvent. Les cicatrices des pustules de variole couvraient le visage et transformaient une beauté en quelqu'un de très repoussant. Et c'est aussi une caractéristique qu'il faut rappeler. C'est une maladie qui se voit et qui est terrible. C'est une maladie, une maladie atroce. Enfin, il y avait cette odeur de viande avariée qui flottait autour des personnes affectées avec des pustules. Il y avait cette sensation de brûlure absolument incoercible et l'impossibilité d'étancher sa soif parce que les taches rouges ou les pustules dans la gorge et dans la bouche vous en empêchaient. C'était aussi les 10% des malades qui demeuraient aveugles à l'issue de la maladie. Donc c'était vraiment, vraiment quelque chose d'atroce. Quand on pense, on avait fait à ce micro une histoire d'un autre grand fléau de l'humanité, la peste. Alors on pense la peste, il y a cette espèce d'aura terrible. La variole a certainement tué plus que la peste, c'est difficile à estimer. Mais en tout cas, la variole et la peste, ce qui est différent, c'est que la variole, c'était une maladie du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où jusqu'à 80% de la population était infectée par le virus variolique, Anne-Marie Moulin. Il y avait des bouffées épidémiques qui n'avaient pas de périodicité particulière. Donc c'est assez différent de la peste qui a eu des grandes épidémies, des grands moments et qui ont parfois détruit des villes entières, des villages, des villes entières. et modifier complètement le sort du monde. Les victimes n'étaient pas non plus les mêmes. Pour la variole, c'était les enfants de 0 à 15 ans enfin, et les jeunes adultes en majorité. Par exemple, à Vannes, en 1955, la dernière épidémie de variole en France, c'est effectivement les enfants de 1 à 15 ans, enfin de 0 à 15 ans, et puis les jeunes adultes qui sont les principales victimes, avec les médecins d'ailleurs. Il faudra y revenir parce que quand on entend, par exemple, dans le commentateur dire que la variole a presque disparu. Non, elle n'avait pas presque disparu. Il y avait encore une épidémie grave tous les deux ans en France en 1955. Et on croyait qu'elle avait disparu. Et même les médecins croyaient qu'elle avait disparu, parce qu'ils ne la rencontraient que très rarement, finalement. Et donc, une des raisons pour lesquelles la contamination était surtout nosocomiale, dans ces cas-là, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital, c'était que les médecins n'étaient pas revaccinés. Et puis, on savait assez peu de choses sur ce qui se passait dans les pays lointains. En Inde, par exemple, les cas de variole étaient certainement très nombreux, mais les gens n'en entendaient pas parler à cette époque. Tout le Moyen-Orient était également... un visage grêlé était courant au Moyen-Orient jusqu'à une certaine époque. Tout cela n'arrivait pas nécessairement aux oreilles des Français qui pensaient que la médecine pasteurienne était en train de les prévenir contre tous les maux. Quelles sont les premières traces historiques que l'on trouve de la variole? Alors, Patrick Zilberman. Il faut dire que la variole, il n'y avait pas de réservoir animal. Le seul réservoir, c'était l'homme. Donc il y a une chaîne ininterrompue qui remonte au néolithique ou au post-néolithique et qui s'arrête à ce jeune cuisinier somalien en 77. Si on fait exception du cas de Birmingham, qui est une souche accidentelle, souche hospitalière qui a été transmise à une photographe. Voilà. Donc les premiers témoignages de l'infection variolique, on les retrouve dans les momies, par exemple égyptiennes, Ramsès V, 1157 avant Jésus-Christ. On les retrouve aussi dans l'Antiquité latine, enfin gréco-latine. Par exemple, sous le règne de Marc Aurèle, l'armée romaine a sans doute importé de Mésopotamie une épidémie de variole en 163, je crois, ou je me souviens plus exactement la date. Bref, on la retrouve dans l'armée d'Alexandre avant, qui a été aussi décimée par la variole. Bref, il y a pas mal. Marc Aurèle lui-même est mort de la variole, donc il y a pas mal de témoignages, si vous voulez, depuis une époque assez reculée, quoi. Vous dites qu'il n'y a pas de réservoir animal, ça va être important effectivement pour l'histoire de la maladie et pour l'épidémiologie, mais est-ce qu'on sait à quel moment, est-ce qu'on comprend aujourd'hui, avec les méthodes d'analyse en biologie moléculaire et en biologie virale, comment ce virus, d'un seul coup, est passé à l'homme? Anne-Marie Moulin. Là, vous me surprenez un peu parce que la biologie moléculaire, finalement, elle n'a pas dit grand-chose avant l'éradication. Maintenant, bien sûr, on dispose d'outils puissants d'analyse en biologie moléculaire, mais je plaisante souvent avec les étudiants en disant que finalement, la variole a été éradiquée avant l'ère de la biologie moléculaire. Mais c'est la question que je pose, c'est avec les outils d'analyse d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait comment, est-ce qu'on a pu retracer une sorte de phylogénie du virus pour savoir d'où il venait et comment il a muté pour finalement finir par infecter l'homme? Oui, on pourrait le savoir, mais je vous avoue que là, la mémoire me fait défaut. Non, ce qu'il faudrait peut-être dire, et ce qu'on a appris de plus en plus avec la biologie moléculaire, c'est qu'au fond, chaque espèce animal, y compris l'homme, a son pox virus. C'est d'ailleurs étrange de voir que cette variole n'avait pas de réservoir animal, alors qu'il y a des pox virus qui ressemblent à la variole humaine, qui sont très dispersés parmi les espèces. Par exemple, il y a un camel pox pour le chameau, il y a un monkey pox pour le singe, etc. Et pour la vache, évidemment. Et évidemment pour la vache. Pour le bétail, oui. Ce qui va être important. Est-ce qu'on sait, vous parliez du néolithique ou de l'Égypte, de la Rome antique, est-ce qu'on sait s'il y a un moment donné, ce virus variolique est devenu, a atteint un seuil épidémique constant dans la population occidentale à partir, on voit, c'est vrai qu'elle s'est très documentée à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle. Oui, avant on sait peu de choses. On suppose par exemple que la fameuse peste d'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était pas la peste mais la variole, donc une maladie respiratoire extrêmement contagieuse. Mais tout ça ne sont que des hypothèses, hein. Ce ne sont que des hypothèses parce que précisément, je n'ai pas le souvenir chez Thucydide, l'historien de la peste d'Athènes, d'avoir entendu parler de pustules. Or, c'est ça quand même l'élément qui sera déterminant puisque c'est parce qu'il y a un fluide dans la pustule qu'on va pouvoir manipuler quelque chose et finalement créer le vaccin. Et en fait, ce qu'on sait surtout, c'est qu'il y a eu une différence clinique, c'est-à-dire d'observation, entre la variole, bien identifiée comme telle, et la rougeole, à partir de razzies, puisqu'on a des textes sur ces deux maladies bien différenciées au Xe siècle. Patrick Zilberman ? Non, moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Là. Non, pour l'instant, non. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons de la variole et de l'histoire de cette maladie. Depuis le néolithique jusqu'aux années 1980, où l'OMS déclare officiellement la maladie éradiquée, c'est jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire la seule maladie qui aura été totalement éradiquée à l'échelle de l'humanité entière. Nous en parlons avec Anne-Marie Moulin et Patrick Zilberman tout au long de 7h. Alors on va peut-être descendre dans l'échelle et arriver au niveau microscopique pour comprendre ce qu'est ce virus en termes de microbiologie. Il ressemble à quoi? Il fonctionne comment, Patrick Zilberman, ce virus de la variole? En termes de microbiologie, c'est pas tout à fait ma spécialité, donc je préfère que ce soit Anne-Marie qui réponde, là, franchement. Bien, en fait, justement, on ne savait pas grand-chose. Un virus, c'est par définition quelque chose qui n'est pas visible au microscope. Donc il a fallu attendre la période de la virologie, c'est-à-dire des analyses en microscopie électronique, par exemple, pour voir à quoi ressemble le virus de la variole. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a au fond trois virus de la variole humaine, ou plus exactement, il y a trois virus qui nous intéressent pour l'histoire de la variole humaine. C'est le virus de la variole proprement dit, qui lui-même se différencie en deux variantes, la variole majeure, celle qui crée le plus de dégâts, et la variole mineure, qui permet, qui donne quelques boutons et probablement qui était, sans qu'on le sache bien clairement, utilisé pour inoculer et prévenir la variole. Et puis il y a la cowpox, c'est-à-dire la variole de la vache, dont on pense qu'elle a disparu. On ne la possède plus dans le laboratoire. Et puis il y a ce qu'on appelle la vaccine, qui est probablement un dérivé, je m'avance un peu, mixte entre la variole humaine et la variole de la vache et qui a été répandue au cours des premières manœuvres de vaccination dans le monde entier. Ce qui est remarquable, c'est que malgré ces 200 ans d'évolution, toutes les souches actuelles de vaccines se ressemblent beaucoup. C'est un élément intéressant puisque ça prouve une certaine stabilité dans l'évolution du virus. Ce qui est important, parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de virus, de l'histoire des virus ici, et les virus sont souvent caractérisés par leur grande mutabilité. Celui de le pox virus de la variole est un virus très stable. Semble-t-il. Donc peut-être que le virus, s'il ressuscite des glaces sibériennes, aura une structure très proche de celle que nous connaissons. Comment, en termes de symptomatologie, on va en parler dans un instant, mais comment fonctionne-t-il? Il s'en prend à quel type de cellules? Qu'est-ce qui se passe quand on est infecté par le virus de la variole, Anne-Marie Moulin? Il y a des cellules dans le corps, et en particulier dans les macrophages, les cellules du système immunitaire. Mais là encore, notre connaissance immunologique de la variole a été finalement assez brève. Et un des arguments pour garder le virus vivant, est de façon assez surprenante de dire qu'on n'en savait pas grand-chose, pas assez. Or, en fait, depuis tout le temps qu'on a gardé des stocks de virus, la connaissance n'a pas beaucoup avancé. Mais qu'est-ce qui se passe? On va passer sur l'aspect symptomatologique. Quand on est infecté par la variole, parce que c'est vrai, puisque les derniers cas ont 40 ans, on sait plus ce que c'est tellement la variole. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Comment est-ce que le corps humain réagit à cette infection variolique? Oh, on va vous raconter tout le roman de l'immunologie. Alors, il a des cellules très diversifiées dont on connaît de multiples variétés maintenant. Il y a aussi des anticorps et donc le système immunitaire, effectivement, vraiment se met en branle. Mais pourquoi certains meurent plus que d'autres? Il y a probablement, c'est sûr que les personnes qui ont une immunité compromise, et aujourd'hui nous vivons avec beaucoup plus de gens qu'avant, qui ont des déficits immunitaires, soit congénitaux, soit acquis, comme par exemple avec le sida. Et donc là, d'une certaine façon, la population de l'humanité tout entière est plus fragile qu'elle n'était au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un déclare la variole? Qu'est-ce qui arrive? On parle des pustules, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas les pustules qui tuent. Comment est-ce qu'on arrive à un certain taux de mortalité? Quel est-il? Il y a une mortalité par atteinte myocardique, par atteinte hépatique, par atteinte oculaire, comme l'a rappelé Patrick. On meurt aveugle, on meurt. Et parfois, si on ne meurt pas, on reste aveugle. Mmh. C'est quelque chose qui a beaucoup frappé. Tout simplement, il y a des pustules qui s'installent sur la cornée. Et c'est à l'image de ce qui se passe dans d'autres organes du corps. Mmh. Et quel est le taux de, on connaît le taux de mortalité du virus parce qu'il y a effectivement une forme virale sévère, une forme virale qui est à 90% dite normale. Quel est le taux de mortalité de la variole? Vous savez, les statistiques n'étaient pas, elles sont relativement récentes, nos statistiques. Donc, on s'accorde en général sur un chiffre de 10% cours des épidémies. C'est plus. Patrick Zilberman. C'est plus. C'est 35% pour, oui, 35% à peu près. Même parfois, ça peut aller jusqu'à 50%. Ouais. On va passer juste parce que en fait sur la symptomatologie je me pose quand même quelques questions pour savoir qu'est-ce qui crée à un moment donné, qu'est-ce qui fait que ce virus provoque la mort, en fait concrètement qu'est-ce qui dysfonctionne dans l'organisme pour que à un moment donné le virus tue les gens, Anne-Marie Moulin? Il y a des dégradations de la des cellules respiratoires, il y a une atteinte hépatique, il y a une encéphalite. D'ailleurs, c'est une des choses qui a fait qu'on a progressivement laissé tomber le vaccin. C'est que le vaccin, malgré son innocuité par rapport à la variole, avait quand même, dans un certain nombre de cas, provoqué des encéphalites. Le virus de la variole a une affinité spéciale pour le système nerveux. Et il est donc encéphalitogène en dehors de son atteinte des autres organes. Donc il y a de multiples façons de mourir. D'accord. Alors passons-en justement à cette histoire de la variole qui nous conduit à celle sur les pistes de celle de la vaccination. Les premiers soins sont très anciens, hein, Patrick Zilberman. On trouve en Chine dès le 10e siècle, 11e siècle, un procédé pour se prémunir de la variole. Oui, c'est le procédé qui va devenir ce qu'on a appelé la méthode turque, qui sera importée par Lady Montagu, que Anne-Marie connaît très bien, en 1721, et qui sera appelée ici inoculation par Voltaire en 1734, par exemple, ou bien variolisation. Alors, en quoi ça consiste? Alors, ça consiste, si je ne me trompe pas, à prendre du pus sur des pustules de malades et à les inoculer sur des scarifications sur une personne bien portante. Alors, on fait souvent le lien entre inoculation et vaccination, mais attention, il y a une énorme différence et qui a eu une importance très grande dans la méfiance vis-à-vis de ce vaccin qui, il faut le rappeler, est contemporaine de la vaccination, c'est-à-dire que la contestation de la vaccination a le même âge que la vaccination elle-même. On va y revenir. Voilà. Donc, cette grande différence entre inoculation et vaccination, c'est que l'inoculation inocule du pus pris sur des personnes, sur des êtres humains, pour inoculer sur un autre être humain, alors que la vaccination, c'est un produit animal au départ. On raclait les pustules de la vache, de la génisse, n'est-ce pas, pour les inoculer sur le bras préalablement scarifié. Et cette animalisation de la prévention provoquait, au témoignage même de Voltaire par exemple, un immense dégoût dans les populations. Il y avait une sorte c'est une sorte de xénogreffe en quelque sorte, quoi. Hein. Et ça ne plaisait pas du tout, mais alors pas du tout, quoi. C'est vrai que elle est pas très bien accueillie en France, particulièrement Anne-Marie Moulin, cette campagne d'inoculation de Voltaire en 1727. Et quand on en lit d'ailleurs les descriptions du XVIIIe siècle, ça avait des conséquences assez lourdes, et notamment chez les enfants. C'est-à-dire qu'on disait 8 jours après, ils sont cloués au lit pendant 15 jours avec de la fièvre. C'était quand même très lourd comme méthode. Enfin, si on en croit les dément aigu, c'était une petite fièvre de quelques jours, et puis après, on pouvait immédiatement reprendre ses activités. Donc, de ce point de vue-là, les comptes rendus sont différents. Mais je voulais revenir sur la Chine, parce que Patrick a osé parler du 10e, 11e siècle. En fait, c'est assez discuté, parce que nous avons eu une période pro-chinoise, où on a certainement, probablement, exagéré un peu la priorité chinoise. En gros, on a surtout des témoignages réellement probants, de la vie même des historiens de la Chine, au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a évidemment une documentation qui s'instaure. Tu parlais des pustules. Il y avait une autre façon de varioliser. C'était de prendre des croûtes, parce que les pustules se flétrissent et elles tombent, elles s'ouvrent et elles laissent des cicatrices. Et il y a des croûtes, de véritables croûtes. Et ces croûtes contiennent du virus. Donc, elles le contiennent et elles le gardent actif. Pendant très longtemps. Du virus actif. Donc, on peut prendre ces croûtes, les mettre dans un récipient, les passer au mortier et faire une petite poudre. Et cette poudre, selon une méthode qui n'a pas été, qui n'a pas beaucoup diffusé, on l'introduit dans les narines. On crée ainsi une petite variole artificielle. Seulement, comme le nez, par les fosses nasales, est très proche du cerveau, l'encéphale, le risque d'encéphalite était probablement plus grand. Ça, c'est intéressant parce que vous disiez à l'instant, Patrick Zilberman, que la méfiance vaccinale est aussi vieille que la vaccination. Sur ces méthodes d'inoculation, le Parlement de Paris interdit les inoculations urbaines hors des établissements spécialisés. La population est plutôt réticente à ce type de pratique. Oui, comme toujours dans l'adhésion à la vaccination, il y a autre chose que de la biologie ou du moins de la connaissance du corps humain. Il y a aussi des options philosophiques et politiques. Par exemple, et c'est pour cela que Voltaire est particulièrement intéressé, une certaine lutte contre la religion qui veut que le destin soit réglé par Dieu. Et par conséquent, c'est pas la peine de faire des efforts pour retarder le moment fatal. Absolument, c'est les deux principaux, les deux grands arguments. Lorsque Jenner commence à vacciner, c'est l'argument théologique. La vaccination trouble la providence divine, trouble la providence de Dieu. Et le deuxième argument, celui qu'on vient d'évoquer, c'est qu'elle pervertit la nature humaine. Voilà. Alors, une fois que vous avez comme ça en face de vous, évidemment, c'est de l'argument lourd, quoi. On est au XVIIIe siècle. Évidemment, on a les images, les peintures des révolutionnaires, de Danton, le visage grêlé. C'est le moment où la variole est vraiment à son pic épidémique partout en Europe. J'ai lu 80% de la population infectée. C'est une réalité historique, Anne-Marie Moulin. Réalité, en tout cas, plausible. Une hypothèse sérieuse. Oui, c'est plausible. Oui, c'est plausible. Life's the disease that could always change with comparative ease. Just given the chance, my life is the earth, twixt muscle and space. Wait for the worth. Digging for just one chance. As prospect diminish, as nightmares swell, some pray for heaven while we live in hell. My life's the disease. My life's the disease. Yeah. de Désise à 16h25 sur France Culture, des Cohen de Benyman. On avait bien pensé à vous mettre Je suis malade de Serge Lama, mais il y a une forme d'obstruction de la part de la rédaction de la méthode scientifique. Allez savoir pourquoi. Nous parlons de la variole, en tout cas, tout au long de cette heure et de son histoire, en compagnie d'Anne-Marie Moulin, qui est médecin spécialiste des maladies tropicales et directrice de recherche émérite CNRS au laboratoire Sphère pour sciences, philosophie et histoire, et avec Patrick Zilbermann, qui est professeur émérite des universités et historien de la santé. Vous avez prononcé son nom tout à l'heure en première partie d'émission. Patrick Zilbermann, ça nous amène sur la piste d'Edward Jenner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il découvre, Edward Jenner, véritablement? Ben, il observe surtout. Mmh. Il observe, plus qu'il ne découvre, il observe qu'effectivement, la vaccine, c'est-à-dire la maladie qu'on trouve sur les mains des fermières qui traient les vaches, peut être protectrice contre le virus de la variole. Et c'est là où il prend la décision assez forte quand même de vacciner le petit Jim Phelps le 14 mai 1796. Et dès ses premières vaccinations, le résultat est heureux, le garçon ne fait pas la variole. Dès ses premières vaccinations de Jenner se déclenchent donc les arguments contre la vaccination qu'on vient d'évoquer. Anne-Marie Moulin, c'est en France, c'est Napoléon qui va beaucoup faire pour l'instauration justement de la vaccination. L'empereur est convaincu, il va même mettre en place en 1804 une société pour l'extinction de la petite vérole. Ou même avant, il a fait beaucoup plus. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en plein blocus, donc rien ne peut sortir à arriver d'Angleterre en France. Et on crée une filière pour qu'un émissaire britannique, un émissaire venant de Grande-Bretagne, arrive à Rochefort en forçant le blocus et puisse démarrer une campagne pour la vaccine. Napoléon est un fervent de la vaccine. Il partage d'ailleurs cet engouement avec beaucoup de têtes couronnées. J'en vis toujours la correspondance de Jenner, une correspondance. Il n'a jamais bougé d'Angleterre. Et pourtant, il a correspondu avec tous les grands de ce monde, et en particulier avec le président des États-Unis, Jefferson lui-même. Et Napoléon va lancer une campagne de vaccination. On va voir que ça a tout de même du mal à prendre. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu plus d'un siècle, un siècle même, avant que la vaccination soit rendue obligatoire. Napoléon a besoin de faire quelque chose de symbolique. Il a besoin de faire vacciner son propre fils pour montrer que c'est sans crainte, Patrick Zilbermann. Oui, ça c'est une méthode qui sera employée à multiples reprises par la suite, jusque lors de la grippe du porc en 76 aux États-Unis, où le président Ford se fera vacciner avec toute sa famille à la télévision. C'est pas mal vu, enfin, ok. En 1801, c'est le directoire, le consulat, je sais plus exactement, j'ai un trou là. C'est à ce moment-là que est créé le comité de la vaccine, qui sera ensuite transféré en 1823 à l'Académie de médecine. C'est le consulat en 1800. C'est le consulat, d'accord. Et donc, il y a effectivement. Alors, il y a une forme d'engouement quand même, surtout dans les classes aisées, parce que précisément, on se vaccine quand on est fait partie de la bonne société, quoi. Hein. Donc il y a ça. Et ensuite, dans les campagnes, il y a moins d'enthousiasme, évidemment. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on en entend parler? C'est une autre affaire. Donc voilà, et on retrouve ce mouvement en demi-teinte, cette ambiguïté tout au long de l'histoire de la vaccination, et en particulier de la vaccination du variolique. Oui, et en même temps, la plupart des souverains déclarent que désormais, la vaccine est obligatoire sur leur territoire. Alors on peut se demander évidemment dans quelle mesure le tsar de Russie, le sultan ont la faculté de faire appliquer cette obligation. Mais il y a un exemple où apparemment les foules, on peut parler de foules enthousiastes, semble-t-il, c'est la fameuse croisière de la vaccine. Le roi d'Espagne envoie un de ses sujets pour propager la vaccine en Amérique latine. C'est une croisière qui dure 3 ans et plus, qui va même jusqu'aux Philippines, donc qui déborde sur l'Asie. Et là, à chaque fois, il est décrit des foules enthousiastes qui sont vaccinées par milliers. Mmh. On n'a pas de témoignage, évidemment, de ces enthousiastes. Et on ne sait pas quelle est la part de l'éloge au souverain qui a lancé dans sa grande bienveillance cette croisière. Parce qu'il faut rappeler l'histoire noire de la variole, c'est que la variole est peut-être aussi peut-être l'une des premières armes bactériologiques qui était utilisée dans l'histoire de la guerre, Anne-Marie Moulin. Alors ça, c'est plus tard. C'est plus tard, mais effectivement, à plusieurs reprises, on a observé, semble-t-il, que précisément, puisque les squames des varioleux restent infectieuses pendant très longtemps, des vêtements qui ont été portés par des varioleux peuvent propager la variole. Et il y a eu une accusation en particulier contre les Indiens auraient été l'objet de mesures de ce genre. Avec des couvertures. C'est-à-dire que des couvertures ou des vêtements de varioleux leur auraient été laissés, auraient provoqué chez eux une épidémie meurtrière. Patrick Zilberman. Oui, c'est discuté par les historiens, effectivement, mais c'est vrai que c'est l'exemple qu'on cite tout le temps, c'est les Anglais qui auraient envoyé effectivement des vêtements ou des couvertures contaminées lors des guerres indiennes, donc au milieu du XVIIIe siècle en Amérique du Nord. On dit des choses à peu près identiques pour la peste au moment de la grande peste du XIVe siècle. Tout ça n'est pas absolument garanti sur facture. Hein. Alors, de l'autre côté, on arrive au début du XXe siècle et cette loi du 15 février 1902 qui rend la vaccination antivariolique obligatoire dès la première année, c'est la première contrainte étatique pour la vaccination parce qu'on se rend compte que tant qu'un certain pourcentage de la population n'est pas vaccinée, eh bien ça ne peut pas marcher à l'échelle d'un territoire, Patrick Zilberman. Alors là, on se trouve encore une fois devant un schéma qui se répète éternellement. C'est que la France prend tardivement, début du XXe siècle, une mesure d'obligation vaccinale pour la variole, au moment où les Anglais y renoncent. Le Royaume-Uni a mis en place des lois assez strictes et assez strictement appliquées d'ailleurs, à partir de 1853 pour la vaccination antivariolique, et puis les autorités anglaises ont été obligées de reculer, jusqu'à accepter en 1907, d'abord en 1898, puis en 1907, la fameuse clause de conscience pour motif religieux. Aujourd'hui, n'importe quel motif est valable. Donc, c'est au moment où les Anglais s'en dégoûtent que les Français s'en toquent. Cela dit, Émile Duclos, qui était donc le premier directeur de l'Institut Pasteur, avait quand même vu juste, à mon avis, en disant aux promoteurs de la loi du 15 février 1902, attention, ce à quoi les Français s'opposent, c'est pas tellement au vaccin contre la variole, c'est à l'obligation vaccinale contre la variole. Les gens n'en ont pas forcément au produit. C'est pour ça que les anti-vaccins, c'est un tout petit groupe marginal, si vous voulez. Ils en ont à l'État qui interfère dans la vie privée. C'est un autre problème, quoi. Anne-Marie Moulin, ça vous fait sourire. Et il faut remarquer à cet égard qu'elle a été rendue obligatoire en 1902, mais que pratiquement, elle avait déjà été rendue obligatoire en Algérie, qui était une partie de la France. Ces réticences, ce sont des réticences, vous avez dit, religieuses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, comme vous venez de le décrire, Patrick Zilberman, on ne veut pas que l'État interfère, s'immisce dans la vie privée des gens? Il y a aussi cet aspect de s'injecter un produit animal qui fait un peu peur. Il y a une espèce de fantasme autour de ce vaccin dans l'opinion publique, Anne-Marie Moulin? Oui, il y a certainement eu un courant dans l'opinion craignant l'animalisation de l'homme. N'est-ce pas une figure employée par Kant, si mes souvenirs sont exacts, et Emmanuel, le philosophe lui-même. Dans les pays musulmans, on a émis des avis pour autoriser l'injection d'un produit animal dans l'économie du corps humain. En fait, il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de produits animaux dans la thérapeutique humaine. Donc, si on y réfléchit bien, ça n'est pas un argument très fort. Il faut rappeler peut-être aussi que ces premiers vaccins issus de la vaccine ont des effets secondaires assez lourds tout de même. Oui, les vaccins de première génération étaient très réactogènes, comme on dit, c'est-à-dire que les effets indésirables étaient relativement nombreux. Ils étaient loin d'être tous dramatiques, hein. N'exagérons pas, mais c'est vrai qu'ils avaient que les effets secondaires, voire indésirables, étaient une préoccupation, effectivement, oui. De quel type, par exemple, ces effets secondaires? Enfin, indésirables, parce que secondaires. On a parlé tout à l'heure des encéphalites, par exemple, c'est un des problèmes, mais c'était pas le seul. Il y a l'eczéma, L'eczéma, oui. L'eczéma généralisé. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'un petit eczéma sur le visage ou sur une partie du corps, un grand eczéma qui, là, est vraiment une pathologie catastrophique. Et ce qui est intéressant, c'est que Jenner était quand même un fin observateur. Et il a été très prudent dans son application du vaccin. Il a résisté à ceux qui voulaient en faire un traitement pour n'importe quelle maladie, pour prévenir n'importe quelle maladie. Il a aussi alerté les médecins. Si un enfant a des lésions d'eczéma, évitez de le vacciner. Et ça, je trouve que c'est quand même très beau à cette époque précoce. On va avancer un peu dans le temps, jusqu'à la moitié du XXe siècle. À partir de quel moment pense-t-on qu'il est possible d'éradiquer une maladie au niveau planétaire? Comment est-ce que ça se passe? Quel est le début de cette aventure, Patrick Silberman? Alors attendez, là, il y a deux lignes. Hein. Il y a la ligne scientifique et puis il y a la ligne politique. Et c'est la ligne politique qui l'emporte, parce que ça se passe au début des années 60, c'est-à-dire au moment de ce qu'on a appelé le dégel. Au moment de la guerre froide qu'on a appelé le dégel, entre les États-Unis et l'URSS. Et ce sont les Soviétiques qui proposent de lancer une grande campagne mondiale pour éradiquer la variole. Le directeur de l'OMS... En 58. Un peu plus tard. Le directeur de l'OMS à ce moment-là est un Brésilien, qui n'est pas très chaud pour lancer cette opération. Mais les Américains sont très pour, à condition que le directeur de l'opération soit américain. Et ce sera Donald Anderson, qui est un épidémiologiste très connu du CDC. Et donc, le Center for Disease Control, c'est l'organe de contrôle des maladies aux États-Unis. Oui, ouais. Donc on a là une opération politique de très grande envergure qui va d'ailleurs se solder par un résultat faramineux. Enfin, c'est inouï, il n'y a pas d'équivalent, si vous voulez. C'est la première et jusqu'à maintenant la dernière fois, puisque la poliomyélite, on n'y arrive pas. C'est la première fois qu'un virus, parce que c'est le virus, pas seulement la maladie, est éradiqué de la surface du globe. Donc, ce qui a commencé comme une manœuvre, si vous voulez, entre adversaires de la guerre froide, se termine par une victoire médicale. En termes scientifiques, cette fois-ci, comment est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on peut éradiquer un virus à l'échelle de la planète et de l'humanité entière, Anne-Marie Moulin? Alors, je voudrais rappeler quand même que Jenner lui-même a évoqué l'idée, bien sûr il ne s'agit pas d'un plan de réalisation, mais il a évoqué l'idée que la vaccine pourrait éradiquer la variole. Ce n'est pas dit exactement dans ces termes, mais il y a un texte très éloquent. Pasteur lui-même a aussi pensé, moins d'ailleurs à la variole qu'à d'autres fléaux, mais a parlé aussi de l'éradication. Et il y a une statue célèbre dans Paris où on voit que la mort laisse tomber sa faux. Donc il y a l'idée d'élimination et d'éradication qui est dans l'air depuis très longtemps. Mais Patrick a rapporté le moment politique. Comment l'éradiquer? Eh bien justement, ça a été le génie de la campagne de l'OMS, qui entre parenthèses a été extrêmement coûteuse. J'ai oublié le prix, mais il y a beaucoup de zéros. Et c'est par une vaccination systématique, non pas universelle, parce que c'était quasiment impossible. Ça a commencé comme ça. La première tentative, je crois, c'est de tenter de dire on va vacciner tout le monde à l'échelle de la planète, et très vite on se rend compte que c'est pas possible, que c'est hors de portée. Tout à fait. C'est pour ça que l'idée a été de vacciner par poche autour des cas de variole. Et c'est la stratégie qui a été menée tambour battant. Je dis tambour battant parce qu'il semble qu'elle a même été parfois violente, en particulier dans des pays qui opposaient une certaine résistance à l'irruption dans l'intimité des foyers. Oui. Comme quel pays par exemple? Certains pays africains, etc. L'Inde. L'Inde. Le Pakistan. Le Pakistan. L'Inde pour des raisons religieuses aussi. Oui, mais l'Inde c'est particulier parce que l'Inde c'était déjà un pays où la population devenait extrêmement nombreuse. Et puis en Inde il y a un problème, si vous voulez, c'est que Il faut pouvoir pratiquer la vaccination en anneau. Il faut qu'il y ait des vaccinateurs, il faut qu'ils ne soient pas inondés par la population. Or, en Inde, si vous voulez, les petits-enfants, chaque année, naissaient par millions. Et donc, c'était quasi impossible de venir à bout de cette maladie. Donc il y a ça, quoi. Comment est-ce que ça a marché au final? La stratégie s'appelait surveillance et endiguement. Comment est-ce que concrètement, pays par pays, puisque c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, cette campagne a réussi à marcher jusqu'à isoler que plus quelques petites micro-poches de résistance, Anne-Marie Moulin? Les dernières années, ce sont des équipes d'ailleurs importantes, qui ont balayé les pays en vaccinant en anneau, le terme technique qu'a employé Patrick tout à l'heure. Mais moi, j'ai une question qui m'a beaucoup inquiétée, c'est qu'un des pays qui a été le dernier à produire des cas de variole, c'est l'Afghanistan. En Afghanistan, la population n'est pas comme en Inde extrêmement nombreuse, mais elle était très résistante à l'irruption des vaccinateurs dans les campagnes, évidemment au contact avec les femmes et les enfants. Et il y avait une technique locale de variolisation qui était très appréciée et qui continuait à se faire. Donc, par inoculation. Par inoculation de la variole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les années 60, des équipes américaines de Johns Hopkins sont venues vacciner en Afghanistan. Et malgré quelques difficultés, finalement, la campagne a abouti. Je pense que le dernier cas de variole en Afghanistan, c'est 74. 74. En 79, les Russes arrivaient. Si on avait décalé l'horloge de quelques années, on se trouvait en présence de la guerre que vous connaissez et il n'était plus question de faire circuler des équipes. Donc l'éradication a réussi à très peu de choses près. Ouais. Il faut dire aussi que la technique de la vaccination en anneau, c'est pas l'OMS qui l'a créée. C'est une variante d'une technique beaucoup plus ancienne, qui date de 1871 et que les Anglais appelaient le stamping out system. Stamping out, ça veut dire arracher, et qu'en France on appelle le modèle anglais, qui a été utilisé lors de la campagne de vaccination de masse à Vannes en 1955, justement. C'est-à-dire on isole le malade ou la personne exposée et puis on vaccine son entourage. Et la technique de vaccination en anneau, qu'est-ce que c'est exactement? Comment, en quoi ça consiste? Vous avez un malade ou une personne exposée, alitée, on le vaccine, on en prend soin, si vous voulez, et on vaccine son entourage, toutes les personnes qui ont été en contact avec lui. De sorte que ces personnes font une sorte de mur, si vous voulez, biologique contre la dissémination du virus. Quel est le dernier cas en Europe? En Europe, il y a une dernière épidémie en Yougoslavie en 1972. Oui, c'est ça, absolument. Exactement, 149 cas. Revenant du Moyen-Orient, du pèlerinage de la Mecque, c'est au Kosovo. Et là, les autorités yougoslaves, qui ne s'embarrassaient pas de libéralisme à l'époque, ont décidé... C'était Tito en 72 encore. Oui, absolument, c'était Tito en 72. On décidé la vaccination en masse de la population avec non seulement vaccination, mais également, c'est une méthode qu'on utilisait ailleurs, y compris en France, les quarantaines, c'est-à-dire qu'on confinait les personnes dans un certain périmètre et on leur interdisait de sortir ou on interdisait d'entrer, si vous voulez. Périmètre gardé par militairement. Dernier cas autochtone au Bangladesh en 1975. Il y a l'accident qu'on évoquait dans cet hôpital en Grande-Bretagne en 1978, donc il y a 40 ans exactement. C'est les derniers cas que l'on ait connus à la surface de la Terre d'épisodes varioliques. La maladie est déclarée éradiquée par l'OMS le 8 mai 1980. Que reste-t-il aujourd'hui de la variole, Anne-Marie Moulin? Il en reste des stocks de virus. Alors au début, au moment de l'annonce de l'éradication, il y avait pas mal de stocks répandus dans le monde. Ils ont été très vite réduits à deux, en fait. L'un aux États-Unis et l'autre en Russie. En fait, il était à Moscou, en Russie, et en URSS. Et il a été transféré, au début des années 90, il a été transféré en Sibérie, à côté de Novosibirsk. Dans les années 95, il était question de détruire tous les stocks, et en particulier les Américains prévoyaient de le faire en 99. En 99, par une décision qui a surpris beaucoup, les États-Unis ont décidé de conserver un stock de virus. Et cette décision est jusqu'à ce jour assez controversée. Patrick Zimmermann. Oui, c'est la stricte vérité. Au départ, Clinton, puisque les choses ont commencé en 78, c'est-à-dire au moment même où on déclare la variole éradiquée, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire des fioles de virus détenues par les laboratoires. Et le premier réflexe, c'est d'organiser un comité à l'OMS, le comité sur les orthopox virus, c'est comme ça que ça s'appelle scientifiquement, pour dire ben voilà, on va d'abord obliger les États à transférer à détruire leur stock ou les transférer d'abord à quatre laboratoires, États-Unis, URSS, Grande-Bretagne et Afrique du Sud. Et puis à deux, États-Unis et URSS. Et puis ensuite, on va dire, ben voilà, on détruit les stocks de virus. C'est pas la peine de conserver ça dans les frigos. On sait jamais. Il peut y avoir l'accident de Birmingham était là pour le montrer. Il peut y avoir des problèmes. Là-dessus, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre la destruction, c'était en particulier les Soviétiques au départ. Et puis ensuite arrive Clinton. Clinton au départ est pour la destruction. Et puis, il a jamais réussi à imposer son idée à sa propre administration. Christopher Warren et Madeleine Albright étaient contre. Ses conseillers à la sécurité étaient contre la destruction en disant, mais écoutez, si nous détruisons nos stocks, est-ce que les Soviétiques vont les détruire aussi? Et évidemment, il n'y a pas de réponse à cette question. Il faut dire qu'au même moment, il y avait au Sénat américain l'audition de Ken Halliebeck, l'ancien directeur adjoint du programme Biopreparat, qui racontait des horreurs. Donc les gens se sont dit, on détruit rien du tout parce qu'on peut en avoir besoin pour mettre au point des armes défensives. Et en 99, effectivement, Clinton a changé de position, il a retourné sa veste en disant « je suis contre la destruction ». Et là, l'Assemblée de l'OMS a voté un moratoire qui est toujours en œuvre aujourd'hui, et on n'a toujours pas détruit les stocks. Et du coup, la question de détruire ou de ne pas détruire sera reposée, je crois, dans 2 ans, aux États-Unis en tout cas. L'édito de Nature que j'évoquais au tout début de cette émission appelle à la prudence, notamment parce que aujourd'hui, en 2018, eh bien, une équipe canadienne a réussi à resynthétiser un virus variole équine en assemblant des pièces d'ADN commandées à différentes compagnies, à différents laboratoires. Et puis se pose la question du pergélisol, du permafrost, dont on sait qu'il y a peut-être des souches de virus qui peuvent ressurgir et puis pourquoi pas passer à l'homme, hein, puisqu'on a vu par exemple en Sibérie des cas de rennes tués par l'anthrax. La variole reste en tout cas un risque pris très au sérieux dans le cadre d'une menace bioterroriste, entre autres par les différents services de santé et de sécurité. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur à Paris pour comprendre ce qui se passerait en cas de retour de la variole. Oui, cette unité est prévue pour répondre à tout type d'urgence biologique, accident, épidémie ou même bioterrorisme. J'ai retrouvé Jean-Claude Manuguera qui est virologue et gère ce genre de crise. Dans le cas de la variole, il m'a présenté tout le parcours que suit un prélèvement potentiellement contaminé. Réception de l'échantillon, déballage, identification, isolation du virus et toute une série de tests génétiques pour ensuite transmettre les données à la partie clinique pour le traitement. Cette unité héberge la cellule d'intervention biologique d'urgence, qui est une cellule qui est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en convention avec le ministère de la Santé. Donc vous avez tout un réseau de surveillance pour observer les mouvements d'épidémie. Nous sommes membres du réseau Biotox Piratox, qui est un réseau national qui associe différents laboratoires, humains, vétérinaires, aussi environnementaux. Nous sommes en première ligne sur les laboratoires de détection des agents de la menace. Notamment le poxvirus de la variole. Alors le rôle de mon laboratoire et de mon équipe, c'est de recevoir ces prélèvements en cas de suspicion de l'infection par un de ces virus. Si effectivement il s'agit de la variole, c'est un diagnostic qu'on doit faire dès qu'on nous le demande. On va faire le trajet d'un prélèvement, si vous voulez. Oui, absolument. Donc quand un prélèvement arrive en dehors des heures ouvrées, on va le chercher à l'entrée. Donc sinon, vous êtes signalé qu'il y a un prélèvement qui va arriver. Alors, c'est toujours un signalement qui est fait par une autorité. Généralement, c'est fait par l'Agence régionale de santé. Et dans la plupart des cas, ça passe aussi par la Direction générale de la santé. Et c'est toujours passé par un laboratoire d'hôpital avant. En fait, quand le prélèvement arrive, on va l'ouvrir ici, donc qui est une pièce où on fait l'ouverture des laboratoires. Donc, vous voyez, il est badgé, hein, donc on peut pour entrer. Donc ça, c'est un laboratoire qui n'est pas de niveau très élevé. Un laboratoire de type P2. Voilà, alors c'est un peu plus qu'un P2 parce qu'on a une dépression, extraction, un SAS, tout ça n'est pas obligatoire dans un P2. Donc ici, on fait quoi exactement ? Alors ici, il n'y a rien d'infectieux. Il y a d'une part la culture des cellules qui nous servent pour faire pousser les virus, donc ils ne doivent pas être infectés. Et c'est là où on va déballer l'emballage tertiaire de notre prélèvement. Le prélèvement a trois emballages autour de lui. Donc là, on va enlever la boîte en carton et regarder ce qu'il y a comme papier. Et ça peut être des fragments de peau, ça peut être de la saline. Alors, ça dépend. Dans le cas de la variole, par exemple, ce serait soit des croûtes, soit du liquide des pustules. Et on peut également avoir du sang, on peut le détecter dans le sang, mais c'est beaucoup mieux d'avoir les lésions cutanées, des croûtes aussi. Et donc, en fonction du type de risque qu'on a, on va dans un autre laboratoire, qui est un laboratoire de plus haute sécurité, qui est pareil, un P3, mais amélioré par rapport à ce qui est exigé dans les P3, et dans lequel on va déballer jusqu'au tube primaire, où là, on va commencer l'analyse. Et puis, dans la boîte de sécurité, là, on commence à faire l'analyse. C'est-à-dire qu'on va extraire le génome du virus qu'on suspecte. Alors évidemment, on utilise la biologie moléculaire maintenant pour faire la détection, donc ça va très très vite. Et donc, quand on sort du laboratoire P3, de haute sécurité, on a un prélèvement inactivé. Et quand ce prélèvement est inactivé, on revient ici et on va dans ce qu'on appelle des pièces propres. C'est des pièces qui sont uniquement dédiées au diagnostic de prélèvements, et sur des prélèvements soit humains, soit animaux. Là, on est dans un laps de temps assez restreint pour pouvoir étudier le virus tant qu'il est encore un peu frais. Normalement, on n'a pas de difficulté sur ces prélèvements parce qu'en fait, on nous apporte très très vite. Et le virus de la variole est un virus à ADN double brin, donc il est très résistant. Alors ici, on a donc nos pièces pour le diagnostic avec une marche en avant très très stricte. Une fois qu'on est passé par là, on a quatre pièces. Une où on va garder les réactifs qui sont toujours gardés une pièce où aucun acide nucléique entre. Et puis ensuite, on a trois pièces où on va continuer l'extraction et on va préparer nos réactifs pour faire une détection par amplification génique. C'est ici que se fait le séquençage. Alors, du virus. En fait, on fait d'abord de la détection par PCR. Donc c'est amplification et détection avec des sondes. Et là, on saura si c'est un orthopox virus ou pas. Et une fois qu'on est passé par la troisième pièce, là, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus travailler. Enfin, on ne peut plus faire le parcours. Là, il faut, si on veut, il faut qu'on prenne une douche et qu'on change de vêtements. Il faut se décontaminer. Oui, mais théoriquement, on ne fait ça qu'une fois. Hein, enfin, un passage. Donc, une fois qu'on a notre réaction prête à être mise dans la machine, on va mettre ça dans la machine pour faire l'amplification par PCR. Et puis, ça dure à peu près 2 heures. Au bout de 2 heures, on a le résultat. Alors, effectivement, si le résultat est positif, on va confirmer cette identification parce que c'est quand même important. Donc là, on est où, là ? Alors là, on est dans une autre partie de l'unité, un laboratoire, où on a une partie de nos séquenceurs. Alors, pour rapidement confirmer une identification par PCR, on a cet appareil-là et l'autre là-bas qui sont des séquenceurs bas débit, mais qui sont rapides. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, on va avoir une séquence suffisamment longue pour nous indiquer si oui ou non il s'agit d'un orthopox virus de type variole ou de type monkeypox ou de type camelpox, etc. Donc une fois le résultat obtenu, quelle décision se prend selon que ce soit un pox virus ? Alors si la détection est négative, ça s'arrête là, on donne le résultat. Et si la détection est positive, on va venir faire un séquençage dans la foulée, un séquençage de confirmation qui prendra 2 heures de plus. Si, quel que soit le résultat positif, les résultats vont être évidemment donnés aux cliniciens, mais également aux autorités de santé. Et c'est les autorités de santé qui organiseront la réaction. Nous, notre travail est terminé à ce moment-là. On peut ensuite traiter d'autres prélèvements. Mais effectivement, si le résultat est variole, c'est l'information est passée dans la seconde où on a acquis le résultat définitif. Voilà le reportage du jour dans la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la variole est encore prise au sérieux malgré son éradication 40 ans après. On craint encore aujourd'hui qu'elle puisse ressurgir d'une façon ou d'une autre, Patrick Zilberman. Le problème, si vous voulez, c'est que l'éradication de la variole a été une très grande victoire sur le plan médical. Mais ça a un coût, ça, c'est que la population mondiale aujourd'hui est susceptible, n'a plus d'immunité, ou disons l'immunité qui restante ne concerne que très peu de gens, entre 25 et 40 et 45 ans. Les moins de 25 ans, évidemment, il n'en est pas question, ils n'ont jamais été vaccinés. Les plus de 25 ans jusqu'à 45 ans ont pu être vaccinés au moins une fois, mais de toute façon, après 45 ans, l'immunité résiduelle disparaît. Donc, disons que l'immense majorité de la population mondiale est aujourd'hui susceptible. C'est pour ça qu'il me semble très justifié de prendre au sérieux le risque de réintroduction de la variole, qui ne pourrait être qu'une réintroduction criminelle d'ailleurs, hein, puisque le virus n'est plus dans la nature, si j'ose dire. Donc, ça serait effectivement une opération de type criminel. Vous ne croyez pas au retour de variole dégelée du pergélisol ou d'une mutation d'une des formes animales vers une forme humaine? Non, ça me semble pas. C'est pas vraiment le problème, je crois. Je ne crois pas que ce soit le problème. C'est surveillé, par exemple, les monkeypox humains, les cas de monkeypox humains. Il y en a de temps en temps, très peu. Et c'est beaucoup surveillé. Le monkeypox, on en trouve beaucoup, apparemment, en Afrique profonde, en particulier au Congo. Mais il n'y a pas eu de signe d'une évolution dans ce sens ces dernières années. Par conséquent, le risque est plutôt des groupes terroristes ou des États voyous. Et c'est là qu'on dérive évidemment vers des considérations éminemment politiques, parce que il semble peu probable quand même que des individus terroristes aient accès quelque part au stock de virus ou aient la capacité de manipuler, par exemple, le virus de la vaccine, qui lui serait peut-être plus facile d'accès, et de lui insérer des séquences codantes. Ça demande déjà un équipement, un accès à de la biologie sophistiquée, etc. Par contre, un État voyou qui pourrait organiser là avec de gros moyens une infection par le virus de la variole, c'est pas totalement exclu. Et du coup d'ailleurs, les États-Unis ont fabriqué des stocks de vaccins, un vaccin de deuxième génération moins réactogène que le vaccin antérieur, le vaccin générien. Et je crois que les soldats qui sont partis dans les guerres récentes étaient vaccinés contre la variole. Mais une question, on disait au tout début de cette émission que le seuil épidémique est de 200 000 personnes. Ça veut dire que pour réussir à ce que ce soit pas juste une poche isolée comme à Birmingham en 78 qui soit très vite contenue, on est quand même dans du scénario très très paranoïaque pour que ça touche et qu'il puisse y avoir une réémergence au niveau mondial, Patrick Zimmermann. Non, c'est pas du tout inimaginable. La variole est une infection extrêmement contagieuse. Une personne infectée peut en réinfecter entre 4 et 19 autres. Donc ça fait quand même une bonne productivité. Donc par conséquent, vous n'avez pas forcément l'obligation de militariser le virus, etc. Opération extrêmement compliquée et comme vient de le dire Anne-Marie, effectivement, qui nécessite des moyens que seuls les États peuvent permettre d'avoir, non seulement en termes de ressources financières, mais en termes de ressources humaines aussi. Non, vous n'avez qu'à infecter deux personnes, par exemple, adeptes de l'attentat suicide, et les envoyer dans une population, et au bout de 15 jours, puisque c'est 15 jours d'incubation, vous verrez le résultat, il sera assez probant, quoi. Eh bien, écoutez, c'est sur cette touche d'optimiste qu'on va conclure cette émission. Restez bien chez vous, lavez vos mains après vous être mouché. Et merci beaucoup à mes deux invités du jour, Patrick Zimmermann et Anne-Marie Moulin. Merci d'être venus nous parler d'histoire de la variole. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'est l'épidémie de rhume, je vous assure, si vous éternuez, c'est pas très grave. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Tom Imdensock, Céline Lozen, Antoine Beauchon, Nomina Guetzin, Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. Demain, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, ce sera une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On va parler du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. On va parler également du démantèlement des sous-marins nucléaires. On va parler de certains cancers contagieux pour prolonger cette fin d'émission aujourd'hui. Et on parlera également des crocodiles qui mordent évidemment très très très fort. Allez, on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.